Et seul, ça n'est pas la peine. Emmène-moi rêver de toi. Je rêve, je emmène-moi dans ce jardin, le jardin du non-lendemain. Emmène-moi cueillir les fleurs de ton cœur. Emmène-moi courir au loin dans ce paradis qui est le tien. Emmène-moi courir au loin sans fin. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi près de toi. Près de toi, près.